Elle était assise sur sa chaise. Une vitre entre les murs nous séparait. Je n'étais pas à mon aise. On se regardait. Et puis un beau jour je me suis levé. Je me suis doucement approché. J'ai senti mon cœur cogner. J'ai alors lâché enfin. Je veux que tu m'aimes et je te plaise. Il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne suis plus le même, je ne suis plus le vrai. C'est mon blasphème qui me tait. Des jours s'accéléraient. Je n'aimais vraiment pas que l'on se croise, car il n'y a rien qui avançait. Nous étions toujours à l'impasse. Avec ses copines j'ai parlé. Elles m'ont dit tout sur tout ce qu'elle était. Avant, après les soirs j'en avais rêvé. Maintenant j'ai une lumière, en moi elle brillait. J'ai alors lâché, lâché, lâché enfin. Je veux que tu m'aimes et je te plais. Il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne suis plus le même, je ne suis plus le vrai. C'est mon blasphème qui me tait. Je veux que tu m'aimes et je te plais. Il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne suis plus le même, je ne suis plus le vrai. C'est mon blasphème qui me tait. Elle m'a dit qu'il fallait du temps. Mais là rien, je suis comme avant. Je suis toujours pas bien en moi. En plus elle m'avait dit que j'y plais. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi? J'ai alors lâché, lâché, lâché enfin. Je veux que tu m'aimes et je te plais. Il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne suis plus le même, je ne suis plus le vrai. C'est mon blasphème qui me tait. Tout doudou, j'ai alors lâché enfin.